L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut ? Par Eric Simon. Un petit mystère historique vient d'être levé. Le poignard retrouvé dans la tombe de Toutankhamon, le pharaon qui a régné sur l'Égypte entre -1334 et -1323, a bien été fabriqué à partir d'une météorite. Une équipe de chercheurs italiens et égyptiens a analysé la composition de la lame de ce magnifique poignard, vieux de plus de 3000 ans, retrouvé en 1925 non loin de la momie de Toutankhamon, 3 ans après la découverte de la célèbre tombe du pharaon. Ils ont analysé la lame par fluorescence X pour quantifier les abondances respectives en fer, nickel et cobalt. La présence de ce poignard très finement travaillé à la lame de fer est étonnante car les Égyptiens ont commencé à maîtriser la technologie de la fonte du fer seulement 600 ans après le règne de Toutankhamon. L'origine météoritique du poignard du jeune pharaon avait été évoquée depuis de nombreuses années, mais encore jamais prouvée. Daniela Comelli de l'Université Polytechnique de Milan et ses collaborateurs, dans leur étude publiée dans la revue Journal of Meteoritics and Planetary Science, lèvent les derniers doutes. Les spectres de fluorescence obtenus par irradiation de la lame avec des rayons X ont été comparés avec ceux obtenus sur une dizaine de météorites. La composition de la lame du poignard donne, outre le fer, 10,8% de nickel et 0,58% de cobalt. Le minerai de fer trouvé naturellement dans la croûte terrestre ne contient presque pas de nickel, alors que les météorites métalliques sont justement formées de fer et de nickel, avec des traces de cobalt, de phosphore, de soufre et de carbone. L'analyse du poignard n'a pu être effectuée que parce que la méthode utilisée pouvait se faire sans toucher l'objet, les autorités égyptiennes étant très protectrices de leur trésor archéologique et interdisant tout transport du trésor en dehors du musée du Caire où il est conservé. Les objets en fer étaient très rares à cette époque en Égypte et étaient considérés comme plus précieux que l'or. Ils étaient pour la plupart décoratifs, probablement du fait que les Égyptiens avaient des difficultés à le travailler car nécessitant des températures très élevées hors de leur portée. Même sans avoir la capacité de chauffer et de travailler le fer, les artistes de l'époque ont réussi à créer un objet remarquable. La lame étant mise en forme, surmontée d'une poignée en or, décorée par un bouton en cristal. La lame est protégée dans un étui en or décoré avec une tête de chacal et des motifs de plumes et de lys. Il semble que le fer des météorites avait une grande valeur pour eux, ce que tend à confirmer cet objet précieux exceptionnel. Les anciens Égyptiens savaient probablement avec quoi ils travaillaient quand ils fabriquaient cet ornement. Des hiéroglyphes du XIIIe siècle avant notre ère ont été retrouvés dans lesquels ce qui ressemble à une météorite est décrit comme « le fer du ciel ». Ce terme « fer du ciel » est étonnant car il suggère que les anciens Égyptiens, 1300 ans avant J.C., connaissaient l'origine de ces morceaux ferreux trouvés probablement dans le désert. Or, il se trouve qu'une météorite retrouvée en 2000, non loin de l'ancienne Alexandrie à Mersa Matruh, et nommée la météorite Karga, montre une composition extrêmement proche de celle du poignard de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens ont pu la voir tomber du ciel et se briser en multiples morceaux avant de partir en expédition sur plusieurs centaines de kilomètres pour en rapporter de précieux échantillons. La très grande qualité de cette lame du poignard de Toutankhamon vis-à-vis d'autres objets en fer météoritique retrouvés en Égypte indique, d'après les auteurs, une très grande maîtrise du travail du fer à l'époque de Toutankhamon, même s'il ne savait pas le fondre. Près de 3500 ans plus tard, la preuve de l'attrait des Égyptiens antiques pour des objets tombés du ciel ne peut que nous fasciner encore davantage sur cette civilisation. L'article de Daniela Comelli et ses collaborateurs est paru dans Meteoritics and Planetary Science le 20 mai 2016. Il s'intitule très simplement The Meteoritic Origin of Tutankhamun's Iron Dagger Blade. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselao.fr, le blog où l'univers des météorites se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast, comme toujours, sur podcloud.fr et sur iTunes. Allez, à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut, bon ciel !